Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans cette 39e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je suis ravi de vous retrouver. Merci pour tous vos gentils messages que vous me laissez et aux dédicaces aussi que vous me laissez. Cela me touche beaucoup. On commencera cette émission avec Judas Priest et Metal Gods. C'est sur l'album British Steel, sorti en 1980. On entend Breaking the Law, qui a été reprise entre autres par Doro, Grinder, The Rage, et je diffuserai ensuite Mr. Tragedy des Slakers. C'est sur l'excellent Great Rock Steady Swindle, sorti en 2010. On retrouve aussi Because, A Long Way Off et Don't Look Back. On s'écoutera ensuite Disodley Sparadrap Joe du Bear Felix TFN. C'est sur l'album Meteo Fernada, sorti en 1986. On peut entendre Affaire Rimbaud, Bipède à Station Verticale et Ere Humanum Est. On poursuivra avec Idiot Rule de Jane Addiction. C'est sur le sublime Nothing Shocking, sorti en 1988. On peut entendre Up to the Beach, Mountain Song et Jane Says. Et on finira ce bloc en live avec les Clash et I Fought the Law. C'est sur le live à Paris en 1980. On peut entendre aussi Train in Vain, Stray Free et Jenny Jones notamment. We'll be right back. Hello, my name is Mr. Tragedy, and I'm going to kill myself first. Mr. Tragedy, it's plain to see, there's nothing in this world. Yeah. La biloche est faite pour saigner. Cette môme un peu mariole qui frimait dans sa Studebaker. Mais j'ai dû forcer sur la gnôle au lieu de bosser mon bulwarker. Je me suis tombé au chaparral sur un radeau rosé Little Snake. Entre les fausses et le bacal et des beaux gardes à moitié cake. La biloche est faite pour saigner. La suite m'a laissé amnésie. J'ai coulé dans mon bathyscaphe sous des supercuts olympiques qui me défonçaient le sismographe. Dans une piole, c'est tout en ruine. Au sarnifle, la vieille radasse qui met du gasoil dans son chin. Si un jour je trouve la mémoire et deux, trois bières pour ma moquette, je balancerai à la série noire un truc à faire chialer à mettre. La biloche est faite pour saigner. De ce magnifique, il faut pas flipper. La biloche est faite pour saigner. Just fine. Vous êtes toujours dans la 39e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de se faire un bon bloc là, Metal God de Judas Priest, Mr. Tragedy des Slakers, The Soul Esparadra Joe de Hubert Félix Thiéfaine, I Rod's Rule de John Jane Addiction et I Fought the Law The Clash. On continuera cette émission en live avec Dire Straits et Express of Love, c'est sur l'album Making Movies sorti en 1980. On retrouve aussi Tunnel of Love, Solid Rock et Romeo and Juliet entre autres. Je diffuserai ensuite Make Some Noise des Beastie Boys, c'est sur Hot Sauce Committee Part 2 sorti en 2011. On peut entendre aussi Too Many Rappers, Funky Donkey et Pop Your Balloon entre autres. Je diffuserai ensuite un bon vieux corn, Right Now, c'est sur l'album Take a Look in the Mirror, sorti en 2003. On retrouve aussi Break Some Off, Here Come It Again et Play With Me notamment. On s'écoutera à la gloire des prolos, des vilains clowns, c'est sur l'excellent Le Putain d'Album, sorti en 2015. On peut entendre aussi Le Putain de T-shirt, Du Goudron et une Pume, parce qu'on est des cons. Et on finira ce bloc en ska et en live avec Bad Manners. Et Nini Nana Nanounou, c'est sur l'album Scan B, sorti en 1980. On retrouve aussi Here Come the Major, Fatty Fatty et Woody Woody.

Madonna in the song, song, song, song. Right. Woo. Yeah. Vous êtes toujours dans la 39e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. Alors là, on vient de se faire Expresso Love en live de Dire Straits, Make Some Noise des Beastie Boys, Right Now de Korn, À la gloire des prolos, les vilains clowns, et on va finir en live avec Bad Manners et Nena Nena Nana Nounou. On poursuivra cette émission en live avec Sehnsucht de Rammstein. C'est aussi le nom, ce magnifique album sorti en 1997. On peut entendre aussi Tear, Spiel mit mir et Strip, une super reprise de Depeche Mode. Si on s'écoutait une nouveauté, ok. Alors ce sera Drogman de Les Crétins des Alpes de Marseille. C'est sur le drôlissime Chevalier Crétin, cinquième album sorti en 2016. On retrouve aussi Rastafarian Rasta à la maison, C'était les Shérifs et Les Secoués du Sac à dos, très très entêtante. Allez faire sur un tour sur la page Facebook de Les Crétins des Alpes, les L-A-I-D-S. Vous pouvez vous procurer tous les CD et autres t-shirts de Les Crétins des Alpes. On continuera avec Vive le Feu, par Lofofora. Et oui, c'est sur l'album Peu, sorti en août 96. On peut entendre aussi La Chute, Envie de Tuer et cette reprise des Berruriers Noirs. On continuera en rock alternatif français avec Je veux être une star de Didier Super, c'est sur le Déjanté Ben Quoi, sorti en 2008. On retrouve aussi Comme un enfant au Brésil, À bas les gens qui bossent, Petit anarchiste. Et on finira ce bloc en live avec Les Sales Majestés et La Rage, c'est sur l'album Bienvenue, sorti en 2000. On peut entendre aussi Je suis fier, Attention et Tuer le temps. Nirgendwo der Finger rutscht nach Mexiko. Doch zélée. Entre dans la danse, pour que ma main s'apesa se gonfler d'illicites substances. Rockman au coin des rues trimballe son officine ambulante. Ses clients intoxiqués admirent sa compétence. C'est bien lui, c'est le drogueman, le roi du narcotrip. Oui, c'est lui, c'est le drogueman, la camisole chimique. Aux abris, c'est le drogueman, cachez vos enfants prodiges. Oui, c'est lui, c'est le drogueman. Drogman, c'est le boss de toutes les substances. Ouais, Drogman est bien l'homme de toutes les confidences. Le Drogman soigne son cheptel, moyenne en finance. Par ici la monnaie. Dieu du sport ou simple mortel assure sa subsistance. Ah, mon jeune ami, mais qu'est-ce que tu fais là encore enfermé dans les latrines? Là, tu n'es pas blanc là, tu as l'été cadavéré comme le lait de coco. Ah, le drogue chimique, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Ton héroïne, c'est ça qui te ruine. Ta cocaïne, ça n'est pas ta coquine. Tes amphétamines, c'est ça qui t'extermine. Ton drogueman là, c'est mécréant. Tu devrais lui dire de remonter son cocotier et de se faire un lavement du rectum avec le vin de palme. Viens voir l'African chaman, viens voir le vrai docteur. Je vais te faire prendre la potion, je vais te faire boire l'hypoga. Mon jeune ami, je vais t'ouvrir le grand. Ne marche pas mais danse. S'entraîner, on le suit et goûte à sa cuisine odorante. Seule accalmie, ouais, seul répit dans la tourmente. C'est bien lui l'African chaman, sorcier du narcotrip. C'est bien lui l'African chaman et son cigare magique. Venez voir l'African chaman, le black psychédélique. Oui, c'est lui l'African chaman. Hey petite, tu veux goûter le cigare magique du chaman là? Yeah.

certitude. Et vous verrez la rage au fond des cœurs, les cris des pleurs, la haine et la douleur. Et vous verrez la rage au fond des cœurs, les cris des pleurs. Vous êtes toujours dans le 39e Vapeur Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On continuera cette émission en live avec Nananana, en live des Kaiser Chiefs. C'est sur l'album Employment, le premier album des Kaiser Chiefs, sorti le 7 mars 2005. On peut entendre aussi Modern Way, Saturday Night et Born to be a Dancer. Je diffuserai ensuite Talula de Fauve, c'est sur l'album Vieux Frères Partie 2, sorti le 16 février 2015. On peut entendre aussi Paraffine, Sous les Arcades et Sous les Hautes Lumières. Ils viennent de sortir un double live appelé 150 900. En fait, c'est le nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru avec leur tournée. J'essaierai de l'avoir celui-là. On s'écoutera ensuite War Dance de Killing Joke, c'est sur l'album Killing Joke, sorti en 1980. On peut entendre aussi Blood Sport, The Weight et Primitive. Je passerai ensuite Quand l'Afrique va se réveiller de Tikenja Fakoli, c'est sur l'album Dernier Appel, sorti en 2014. On retrouve aussi War in a Babylon, Le Prix du Paradis et Too Much Confusion notamment. Et on finira ce bloc en live avec Steel Pulse et Prodigal Son, c'est sur Hard Worth Revolution, sorti en 1978. On peut entendre aussi Badman, Soundcheck et Klux Klan. Yeah.

Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Il a dormi pendant 40 ans. Esclavagisé pendant 400 ans. Elle s'est battue pendant trop longtemps. Si elle se lève aujourd'hui, si elle se lève aujourd'hui, si elle se lève aujourd'hui, si elle se lève pour dire non, c'est qu'elle a des raisons. Mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand la pluie va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Every night before bed tonight, yeah, King Selassie I always, you hear me? A steel pulse in cancer. let Jah arise and let all his enemies be scattered. As smoke is driven away, so drive them away, O Jah, as wax melt in front of fire. So let the wicked perish at the presence of Jah, but let the righteous be glad and be exceedingly glad. Sing praises unto his name, Jah! Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure. Vous êtes toujours dans cette 39e Vampire Afrique sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de s'écouter Nananana en live de Kaiser Chef, Talula de Fauve, Wardens de Killing Joke, Quand l'Afrique va se réveiller de Tiken Jah Fakoly et Podrick Galson de Steel Pulse. On poursuivra cette émission en live avec Judge Dredd et Big Seven, c'est sur l'album Dreadmania sorti en 1972. On peut entendre aussi All In The Mind, Dr. Kitsch et Oh She's A Big Girl Now, entre autres. Je diffuserai ensuite Take Care Of Me d'Iggy Pop, c'est sur l'album Soldier sorti en 1980. C'est le quatrième album solo de Liguan. On retrouve aussi Loco Mosquito, Play Itself, I Need More notamment. Et si on s'écoutait du Alborosi, ok, je passerai No Cocaine, c'est sur Escape From Babylon sorti en 2009. On retrouve aussi America, Global War et Humbleness. Je passerai ensuite Mine de Deftones, c'est sur A Saturday Night Wrist sorti en 2006. On retrouve aussi All in the Earth, Beware et Rats, Rats, Rats. Et on finira ce bloc avec Everyday Time Hard de Selectors, c'est sur l'album Too Much Pressure sorti en 1980. On retrouve aussi 3 Minutes Hero, They Make Me Mad et Too Much Pressure. Took it up the garden path and she kicked us a little rabbit. Hey, hey, diddy dum day, I. Hey, hey, diddy dum day, I. A little Jack on a sat in the corner with a dirty look in his eye. He never looked at the pretty girls, but he smiled. Hey, hey, did it on me, I, old mother. cupboard. We went to the cupboard to get the poor doggy a bone. But when she bent down, the dog came around and he threw her a bone of his own. Hey, hey, did it all day. Candlestick, silly boy, he should have jumped higher. Goodness gracious, great balls of fire! Hey, hey, did it on me? Aye, aye, aye. Hey, hey, did it on me? Aye, aye, aye. Judge Dredd lay on a double bed with a girl performing great. He said, oh, would you like book seven again? She said, no, but I love book eight. Hey, hey, diddy-dum-day, diddy-dum-day, diddy-dum-day. Some memories, that one. Well, this one brings back some memories because this was in the days of the skinheads, because as you know, that's when I started off. Now, the skinheads were very, very pleasant people. They used to wear boots and jeans and things like that. So what we've done an ethnic number dedicated to them days, which also gives us a chance to introduce the members of the band as well, who incidentally are all queer. Because they're always feeling happy, aren't they? An old story, I suppose. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no ever in Django in my vein. Cause I love marijuana. Come on, I read. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no ever in Django in my vein. Cause I love marijuana. Come on, I read. Well, Poopa go a England, go and check Vatican. Poopa pass through that the Ernie and a rubber ranks man. Little after Poopa General go in a great stand. Poopa look some tune from down in a great stand. Poopa buck up on the girl named Bridget and Shelly-Ann. Shelly-Ann tell her side that she piss on the land. She love Poopa pats and full of charm and passion. Poopa try fill on the baseline on the version. One little cracky boy come track some cracked man slang. He want to sell Poopa some coke and Lexotan. Poopa lick him jabone and kick him out of England. Poopa general arrest us our straight ganja plan. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no ever in Django in my vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no ever in Django in my vein. Cause I love marijuana. I'm on a real well, Poopa Congo Angel, Ragamuffin article. Poopa work with motherland, Poopa no touch chemical. Poopa no move sideways, Poopa can go vertical. Poopa step on the flat, Poopa told gangster. Poopa never take coke, Poopa never take pills. Poopa never smoke plastic since he's straight from the hills. Poopa no like Coca-Cola, me no top but Angola. From St. Elizabeth to Pola, I'm the best ganja boy. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca. I know every in Django in a me vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. No coca, no coca, no coke in a me brain. No coca, I know every in Django in a me vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. Coca-Cola shop, me na go in a coca bar. Me na go par with Tim Montana, need a Pablo Escobar. Me na go sniff out the rack, me na go swallow the bag. Me na no business with Colombians, but me love Bogota. Me na go mingle with no coke, me na go out with white snow. Me na go in a white house, remember Poopa says so. Poopa no black, Poopa no white, Poopa no yellow, yellow. Poopa rough, Poopa tough, Poopa no mellow, mellow. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no ever in Django in a me vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. No coca, no coca, no coke in a me brain. No coca and no ever in Django in a me vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. called Every Day, Things Are Getting Worse. Alors on vient de s'écouter Big Seven en live de Judge Dredd, Take Care of Me de Iggy Pop, No Cocaine d'Alborosi, Mind de Deftones et Everyday Time Hard des Selectors. Cette 39e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission chaque semaine. Vous êtes un groupe et vous souhaitez être diffusé dans cette émission ? Contactez-moi, voilà la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Au fait, les groupes que je diffuse, envoyez-moi des petits jingles aussi sur la page Facebook. Je serai ravi de vous le diffuser et puis c'est plus sympa. Vu que dans cette émission, nous sommes tous une grande tribu, une grande famille, on finira cette émission avec Why et Liberta de Massilia Sound System. C'est sur l'album Why et Liberta sorti en 2007. On peut entendre aussi Massilia Firevance au marché du soleil. Toujours et toujours, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! La vie est trop courte, mon collègue, pour laisser faire et se croiser les bras. Réveille-toi, il faut que tu boulègues. Sinon les autres choisiront pour toi. Moi je m'en vais bouger avec la tchoume. Moi je m'en vais pour donner de la voix. Section Raouf, tu vois de quoi il retourne. Section Raouf, c'est Roy et Liberta. C'est ça le pied, tous y aller. Tous rassembler pour avancer. Sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. Ouais. Les grands